Chapitre 2. Faute d'argent, ses douleurs non pareilles. Toutefois, il avait 63 manières d'en trouver toujours à son besoin, dont la plus honorable et la plus commune était par façon de larcin furtivement fait. Rabelais, livre 2, chapitre 16. Cela pinçait sec ce soir-là. Il faisait un temps clair de nouvelle lune. La fine corne d'argent pâle, translucide encore aux derniers rayons du soleil, prédisait une de ces nuits brutales et franches qui vous rasent les feuilles, les dernières feuilles, claquant sur leurs branches désolées comme les grelots fêlés des cavales du vent. Boulot, frileux, avait rabattu sur ses oreilles son béret bleu. Tintin avait baissé les oreillères de sa casquette. Les autres aussi s'ingéniaient à lutter contre les épines de la bise. Seul, Lebrac, nu-tête, tanné encore du soleil d'été, la blouse ouverte, faisait fi de ses froidures de rien du tout, comme il disait. Les premiers arrivés à la carrière attendirent les retardataires et le chef chargea Tétas, Tigibus et Guignard d'aller un moment surveiller la lisière ennemie. Il conféra à Tétas les pouvoirs de chef et lui dit « Dedans un quart d'heure, quand on sifflera, si t'as rien vu, tu monteras sur le chêne à Camus et si tu ne vois rien encore, c'est qu'ils viendront sûrement pas. Alors vous reviendrez nous rejoindre au camp. » Les autres, dociles, acquiescèrent, et pendant qu'ils allaient prendre leur quart de garde, le reste de la colonne monta au repaire de Camus, où l'on s'était déshabillé la veille. « Tu vois bien, vieux, » constata Boulot, « qu'on n'aurait pas pu se déshabiller aujourd'hui. »« C'est bon, » dit Lebrac. « Du moment qu'on a décidé de faire autre chose, il n'y a pas à revenir sur ce qui s'est passé. » On était vraiment bien dans la cachette à Camus. Du côté de Velleran, au coucher et au midi, et du côté du bas, la carrière à ciel ouvert formait un rempart naturel qui mettait à l'abri des vents de pluie et de neige. Des autres côtés, de grands arbres, laissant entre eux et les buissons quelques passages étroits, arrêtaient les vents du nord et d'est, pas chaud pour un liard ce soir-là. « Asseyons-nous, » proposa Lebrac. Chacun choisit son siège. Les grosses pierres plates s'offraient d'elles-mêmes, il n'y avait qu'à prendre. Chacun trouva la sienne et regarda le chef. « C'est donc entendu, » articula ce dernier, rappelant brièvement le vote du matin, « qu'on va se cotiser pour avoir un trésor de guerre. » Les 10 panés protestèrent unanimement. Guereuillas, ainsi nommé parce qu'à côté du sien le regard de Guignard était d'un Adonis et que ses gros hurons lui sortaient effroyablement de la tête, prit la parole au nom des 100 le sou. C'était le fils de pauvre bougre de paysan, qui peinait du 1er janvier à la Saint-Sylvestre pour nouer les deux bouts et qui, naturellement, n'offrait pas souvent à leur rejeton de l'argent de poche pour ses menus plaisirs. « Lebrac, dit-il, c'est pas bien, tu fais honte aux pauvres. T'as dit qu'on était tous égaux et tu sais bien que ça n'est pas vrai et que moi, que Zozo, que Batty et les autres, nous ne pourrons jamais avoir un radis. Je sais bien que t'es gentil avec nous, que quand t'achètes des bonbons, tu nous en donnes un de temps en temps et que tu nous laisses des fois lécher tes raies de chocolat et tes bouts de réglisse. Mais tu sais bien que si par malheur on nous donne un rond, le père ou la mère le prennent aussitôt pour acheter des fourbis dont on ne voit jamais la couleur. On te l'a déjà dit ce matin, il n'y a pas moyen qu'on paie. Alors on est des galeux. C'est pas une république, ça, et je peux pas me soumettre à la décision. » « Nous non plus, » firent les 9 autres. « J'ai dit qu'on arrangerait ça, » tonna le général, « et on l'arrangera. Ou bien je suis plus Lebrac, ni chef, ni rien, nom de Dieu. Écoutez-moi, ta dandouille, puisque vous ne savez pas vous débrouiller tout seul. Croyez-vous qu'on m'en donne à moi des ronds et que le vieux ne me léchit pas lui aussi, quand mon parrain ou ma marraine ou n'importe qui vient boire un litre à la maison et me glisse un petit ou un gros sou? Ah oui, si j'ai pas le temps de me trotter assez tôt et dire que j'ai acheté des billes ou du chocolat avec le sou qu'on m'a donné, on a bientôt fait de me le raser. Et quand je dis que j'ai acheté des billes, on me les fait montrer, parce que si c'était pas vrai, on me le ferait renaquer le sou. Et quand on les a vus, pan, une paire de gifles pour m'apprendre à dépenser mal à propos des sous qu'on a tant de mots à gagner. Quand je dis que j'ai acheté des bonbons, j'ai pas besoin de les montrer. On me fout la torgnole avant en disant que je suis un dépensier, un gourmand, un goulu, un goinfre et je ne sais quoi encore. « Voilà, eh ben, il faut savoir se débrouiller dans la vie du monde, et je vais vous dire comment qu'il faut s'y prendre. » Je parle pas des commissions que tout le monde peut réussir à faire pour la servante du curé ou la femme au Père Simon. Ils sont si rapia qu'ils ne se fendent pas souvent. Je parle pas non plus des sous qu'on peut ramasser au baptême et au mariage. C'est trop rare et y a pas à compter dessus. Mais voici ce que tout le monde peut faire. Tous les mois, le pâtier s'amène sur la levée de granges de fricots et les femmes lui portent leurs vieux chiffons et leurs peaux de lapin. Moi, je lui donne des os et de la ferraille. Les gibus aussi, pas vrai, grand gibus? Oui, oui. Contre ça, ils nous donnent des images, des plumes dans un petit tonneau, des décalcomanies ou bien un sou ou deux, ça dépend de ce qu'on a. Mais j'y n'aime pas donner des ronds. C'est un sale gripsou qui nous colle toujours des saloperies qui ne décalquent pas. Contre de bons gros os de jambon et de la belle ferraille. Et puis ces décalcomanies, ça sert à rien. Y a qu'à lui dire carrément si on se comporte. Je veux un rond ou deux. Même trois s'il y a beaucoup de fourbis. S'il dit non, on n'a qu'à lui répondre « Mon vieux, t'auras peau de zébi !» et remporter son truc. Il veut bien vous rappeler ce sale juif-là, allez. Je sais bien que des os et de la ferraille, il n'y en a pas des tas. Mais le meilleur, c'est de chiper des pâtes blanches. Elle va plus cher que les autres et lui vendre le prix et au poids. C'est pas commode chez nous, objecta Gurias. La mère a un grand sac sur le buffet et elle fourre tout dedans. T'as qu'à tomber sur son sac et en faire un petit avec. C'est pas tout. Vous avez des poules, tout le monde a des poules. Eh ben un jour on chipe un œuf dans le nid, un autre jour un autre, deux jours après un troisième, on y va le matin avant que les poules aient toutes pondues, vous cachez bien vos œufs dans un coin de la grange, et quand vous avez votre petite douzaine ou votre demi-douzaine, vous prenez bien gentiment un panier, et tout comme si on vous envoyait en commission, vous les portez à la mère Maillot. Elle les paie quelquefois en hiver jusqu'à 24 sous la douzaine, avec une demi, il y a pour toute une année d'impôts. C'est pas possible chez nous, affirma Zozo. Ma vieille est si tellement à cheval sur ses gélines que tous les soirs et tous les matins, elle va leur tâter au cul pour sentir si elles ont l'œuf. Elle sait toujours d'avance combien qu'elle en aura le soir. S'il en manquait un, ça ferait un beau raffut dans la cambuse. Il y a encore un moyen qui est le meilleur. Je vous le recommande à terre tous. Voilà, c'est quand le père prend la cuite. Je suis content, moi, quand je vois qu'il graisse ses brodequins pour aller à la foire à Versailles ou à Beaume. Il dîne bien là-bas avec les Montagnons ou les Pays-Bas. Il boit sec, des apéritifs, des petits verres, du vin bouché. En revenant, il s'arrête avec les autres à tous les bouchons et avant de rentrer, il prend encore l'absinthe chez Frigo. Ma mère va le chercher, elle est pas contente, elle grogne, il s'engueule chaque fois, puis il rentre et elle lui demande combien il a dépensé. Lui, il l'envoie promener en disant qu'il est le maître et que ça ne la regarde pas, et puis il se couche et fout ses habits sur une chaise. Alors moi, pendant que la mère va fermer les portes et clairer les bêtes, je fouille les poches et la bourse. Il sait jamais au juste ce qu'il y a dedans. Alors c'est selon, je prends 2 sous, 3 sous, 4 sous, une fois même j'ai chipé 10 sous. Mais c'est trop, j'en reprendrai jamais autant parce que le vieux s'en est aperçu. « Alors il t'a foutu la peignée ?» Il mit Tintin. « Penses-tu, c'est la mère qui a reçu la danse. Il a cru que c'était elle qui lui avait refait sa pièce et lui a passé quelque chose comme engueulade. Ça, c'est vraiment un bon truc, » convint Boulot. « Qu'en dis-tu, Batty ?»« Je dis, moi, ça ne servira à rien du tout, le truc à le braque, parce que mon père ne saoule jamais. »« Jamais !» s'exclama en cœur toute la bande étonnée. « Jamais !» reprit Batty d'un air navré. « Ça, » fit le braque, « c'est un malheur, mon vieux. Oui, un grand malheur, un vrai malheur. » Et on n'y peut rien. Alors t'as qu'à rogner quand t'iras en commission. Je m'explique. Quand tu as une pièce à changer, tu cales un sou et tu dis que tu l'as perdue. Ça te coûtera une gifle ou deux, mais on n'a rien pour rien en ce bas monde. Et puis on gueule avant que les vieux ne tapent. On gueule tant qu'on peut et ils n'osent pas taper si fort. Quand c'est pas une pièce, par exemple quand c'est de la chicorée que tu vas acheter, il y a des paquets à 4 sous et à 5 sous. Et ben si t'as 5 sous, tu prends un paquet de 4 sous et tu dis que ça a augmenté. Si on t'envoie acheter pour 2 sous de moutarde, tu n'en prends que pour un rond et tu racontes qu'on t'a donné que ça. Mon vieux, on risque pas grand-chose. La mère dit que l'épicier est un filou et une fripouille. Et ça passe comme ça. Et puis, enfin, à l'impossible, personne n'est tenu. Quand vous aurez trouvé des sous, vous paierez. Si vous ne pouvez pas, tant pis. En attendant, on s'arrangera autrement. Nous avons bien besoin de sous pour acheter du fourbi. Eh ben, quand vous trouverez un bouton, une agrafe, un cordon, un lastique, de la ficelle à rafler, foutez-les dedans votre poche et aboulez-les ici pour grossir le trésor de guerre. On estimera ce que cela vaut. En tenant compte que c'est du vieux et pas du neuf. Celui qui gardera le trésor tiendra un calepin sur lequel il marquera les recettes et les dépenses. Mais ça serait bien mieux si chacun arrivait à donner son sou. Peut-être que plus tard on aurait des économies, une petite cagnotte quoi, et qu'on pourrait se payer une petite fête après une victoire. Ce serait épatant ça, approuva Tintin. Des pains d'épices, du chocolat, des sardines. Trouvez d'abord les ronds, hein, repartit le général. Voyons, il faut être bien nouille, après tout ce que je viens de vous dire, pour pas arriver à dégoter un radis tous les mois. « C'est vrai !» approuva le cœur des possédants. Les purotins, enflammés par les révélations de Lebrac, acquiescèrent cette fois à la proposition d'impôt et jurèrent que pour le mois prochain, ils remueraient ciel et terre pour payer leurs cotisations. Pour le mois courant, ils s'acquitteraient en nature et remettraient tout ce qu'ils pourraient accrocher entre les mains du trésorier. Mais qui serait trésorier ? Lebrac et Camus, en qualité de chef et de sous-chef, ne pouvaient remplir cet emploi. Gambette, manquant souvent l'école, ne pouvait lui non plus occuper ce poste. D'ailleurs, ses qualités de lièvre agile le rendaient indispensable comme courrier en cas de malheur. Lebrac proposa à la Crique de se charger de l'affaire. La Crique était bon calculateur, il écrivait vite et bien. Il était tout désigné pour cette situation de confiance et ce métier difficile. « Je ne peux pas !» déclina la Crique. « Voyons, mettez-vous à ma place !»« Je suis l'écolier le plus près du bureau du maître. À tout moment, il voit ce que je fais. »« Quand sait-il alors que je pourrais tenir mes comptes ? C'est pas possible. Il faut que le trésorier soit dans les bancs du fond. C'est Tintin qui doit l'être. Tintin, fit le braque. Oui, après tout, mon vieux, c'est toi qui dois prendre ça, puisque c'est la Marie qui viendra recoudre les boutons de ceux qui auront été faits prisonniers. Oui, y a que toi. Oui, mais si je suis pris, moi, par les Vellerans, tout le trésor sera foutu. Alors tu te battras pas. Tu resteras en arrière et tu regarderas. Faut bien savoir des fois faire des sacrifices, ma vieille branche. Oui, oui, Tintin, trésorier. Tintin fut élu par acclamation. Et comme tout était réglé ou à peu près, on alla voir au gros buisson ce que devenaient les trois sentinelles que, dans la chaleur de la discussion, on avait oublié de rappeler. Tétas n'avait rien vu et ils blaguaient en fumant des tiges de clématite. On leur fit part de la décision prise, ils approuvèrent, et il fut convenu que dès le lendemain, tout le monde apporterait à Tintin sa cotisation, en argent ceux qui pourraient, et en nature les autres.